on a eu une vague de refus de séjour inouïe depuis le mois de septembre, que nous ne comprenons pas, étant donné que ça touche des familles constituées avec enfants scolarisés. Et cela, c'est valable non seulement pour les Algériens, mais pour tous les demandeurs de séjour en France. Nous avons eu récemment des expulsions de pères de famille dont les femmes sont restées en France avec les enfants scolarisés, ce qui est tout à fait contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, on ne doit pas séparer de famille. Nous avons des refus de séjour pour des malades où le pronostic vital est absolument engagé. Nous voyons des gens qui sont près de la mort, il faut bien dire ce qui y est, qui reçoivent des obligations à quitter le territoire français, alors que quelquefois, le gouvernement algérien a demandé qu'ils soient traités à l'étranger. Donc, vous voyez, nous ne comprenons plus cette vague de refus. Nous voyons des jeunes qui arrivent, qui quelquefois ont traversé la mer, ou bien qui sont passés par une voie à l'est, par la Turquie et par l'est de l'Europe, et qui sont arrivés avec d'autres migrants, qui se trouvent ici absolument à la rue, sans rien, et avec un droit à la formation qui est de plus en plus restreint. Donc c'est une situation dont on ne peut pas dire qu'elle s'améliore. Nous espérons qu'on va faire enfin entendre notre voix et arriver à une autre politique d'accueil en France, que ce soit pour des gens qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, j'en connais qui sont là depuis 15 ans, hein, et qui attendent toujours enfin des papiers et une reconnaissance.